L'avion atterrit enfin, retour dans ma ville. Reconnaître mon chemin, mais tout me semble fragile. Rien n'a changé ici, mais moi je ne suis plus la même. Les rues de ma vie semblent étrangères, problèmes. Le cœur partagé entre partir et rester. Retour à la maison. Mes amis me posent des questions, c'était comment tu as aimé? Comment résumer en une conversation des mois de vie, c'est compliqué. Je souris et je raconte quelques anecdotes légères. Mais l'essentiel ne se raconte, ça reste mon affaire. Déjà je regarde les prochains départs. Retour à la maison, mais je suis ailleurs. De nouveau.